Bon matin. Exode 24. C'est un passage très dense. Je préparais ça, là, puis je me disais, ouh là là, où est-ce que je vais m'arrêter? Ça, c'est plein de notions qui se connectent ensemble dans Exode 24. Puis là, je me remémorais, tu sais, on a fait Genèse au complet, là, de la création, les patriarches, l'Égypte, ensuite un petit saut dans le Nouveau Testament. On est revenu dans Exode, la sortie des miracles, la sortie d'Égypte. Ensuite de ça, le début dans le désert. Et là, on arrive à Exode 24, où Moïse monte vers l'Éternel. Puis il y a comme plein d'affaires qui se concrétisent dans Exode 24. Mais en fait, c'est 18 versets. Fait que c'est assez condensé. Et puis, ce qui est marquant, je trouve, de ce passage-là, c'est qu'on est vraiment dans les éléments fondamentaux. Puis, c'est important de revenir. Tu sais, à chaque semaine, on creuse les Écritures, que ce soit les dimanches ensemble, que ce soit en église maison. Je sais que plusieurs sont aussi fidèles dans leur lecture personnelle. Ça va le son? Ouais? OK, parfait. Parfait, parfait. Donc, on creuse tout ça, mais des fois, en creusant, on perd de vue, on perd la perspective de l'ensemble. T'sais, on est comme trop en profondeur dans le détail, et puis on dirait que... Et là, je trouve que Exode 24 se prête parfaitement. Puis, ce qui me venait en tête en préparant ça, c'est... j'ai un ami... ça fait un petit bout de temps la conversation, mais quand même, ça me revenait en tête. Un ami qui me disait, « OK, mais là, Jésus nous sauve. Et Jésus nous sauve de quoi? » C'est fondamental comme question. Il nous sauve, mais il nous sauve de quoi? Fait que revenir aux fondamentaux, c'est vraiment important. Donc là, dans Exode 24, on va revenir à ça. On va voir, là, il y a des symboles très forts, des notions dans Exode 24 auxquelles je vais m'attarder. Et puis, les explications qui vont autour de ça. Mais en introduction, je pensais vraiment repartir à la base, dans Matthieu 26. Et tout de suite transposer ça. En même temps, ça donne le punch un peu, mais bon, c'est le fun de commencer par la fin des fois. T'sais. On commence par le dessert. Donc, Jésus, en fait, c'est donc Matthieu 26, c'est la fameuse dernière scène, le dernier repas. « Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Tout le monde connaît ce passage-là. Bon, je dis tout le monde, là. Peut-être pas tout le monde, en tout cas, bien du monde. Surtout, je veux dire, pour moi, j'ai été élevé dans la foi catholique à l'église le dimanche, etc., comme bien des Québécois. Et puis, c'est dit... à tous les dimanches. Donc, ce passage-là est très connu. Mais concrètement, là, sang de l'Alliance. C'est ça que Jésus dit. « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Ça veut dire quoi? Tu sais, si on s'attarde à ça puis qu'on n'a pas le contexte puis on ne regarde pas, on ne retourne pas à la source, ça veut dire quoi? Bon, là, je vous le savais, je le sais que vous le savez, mais là, mettons qu'on ne le sait pas. Si on ne va pas creuser, ça veut dire quoi, le sang de l'Alliance? Si on prend juste ça comme ça, là, hors contexte, ça veut dire quoi? Il faut reconnecter les morceaux ensemble. Bien, on va en parler. Puis là, le concret, je vous fais une petite anecdote. La notion de concret, OK? Puis ça, c'est vraiment un clin d'œil à ma vie professionnelle présentement. Moi, je travaille dans le monde des données. Le monde des données, pour moi, c'est très concret. Mais pour la majorité des gens à qui je parle, puis là, clin d'œil à Landry, puis là, ben Michel n'est pas là. Non, Michel n'est pas là, mais j'aurais fait un clin d'œil à Michel aussi, parce qu'on en rit beaucoup de la notion de concret. Parce que là, quand moi je dis, La qualité des données permet d'améliorer les processus d'affaires et donc d'apporter de la valeur à l'entreprise. Pour moi, c'est super concret parce que je l'ai vu plein de fois. Mais pour ceux à qui je parle, des fois, c'est « Non, mais concrètement, tu veux dire quoi? » Puis là, je suis comme « Ben, je sais pas comment l'expliquer autrement. Faut le vivre. Je sais pas. On peut travailler avec tes données. On peut voir qu'est-ce que ça va améliorer. C'est l'expérience qui va te le montrer. Je sais pas. » La définition de concret, hein, c'est par opposition à hypothétique ou à théorique qui est en prise directe avec la réalité, qui y fait référence, qui est en rapport étroit avec l'expérience. Donc, l'expérience concrète, puis c'est le titre, hein, ici, c'est concrétiser l'alliance glorieuse, la gloire de Dieu, l'alliance avec Dieu dans votre vie. Est-ce que vous saisissez concrètement cette glorieuse alliance que Jésus vous propose? Est-ce que vous en faites l'expérience concrète ou concrétisez l'expérience concrète? Hein? Ça, c'est concret. Bien, donc, je vous propose qu'on regarde trois explications concrètes qui permettent de faire le lien direct entre le passage que j'ai lu en introduction, donc le sang de l'alliance, et l'alliance que Dieu propose dans Exode 24. Donc, l'alliance accomplie par Jésus, qui est discutée ou apportée dans Exode 24. Cette alliance qu'il vous propose à chacun d'entre vous. Donc, on va le lire quand même. On va repartir à la base. On est, je vous le rappelle, dans Exode, on est rendu à Exode 24. Quand on a introduit le livre au début, je pense que c'est Michel qui l'avait fait, il y avait comme trois grands blocs dans Exode, 1 à 12, donc c'était Israël qui est en Égypte, ensuite Israël, donc 12 à 18. Israël sort et donc s'en va en chemin vers le mont Sinaï, où là, ils sont rendus. Puis là, ben, 19 à 40, c'est tous les événements du mont Sinaï. Et puis là, donc, on est à 24. Il y a eu tout, il y a les 10 commandements, l'énoncé, les édits, hein, des lois que Dieu a dit à Moïse. Moïse l'a noté dans le livre. Et donc, on est là. Donc, remise en contexte. Et là, je vous invite à prendre vos Bibles. Exode 24. Puis je vais vous l'afficher, évidemment. Hein, vous le savez. Tout à coup, vous n'avez pas vos Bibles. Donc, ça se lit comme suit. Exode 24. Dieu dit à Moïse, « Monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. » Moïse s'approcha seul de l'Éternel. Les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera point avec lui. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis il se leva de bon matin. Il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. » Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant, « Voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. » Je veux juste attirer votre attention sur certains trucs que j'ai mis en couleur bleu, en bleu ici, vous voyez à l'écran, là, donc le livre de l'Alliance. Donc, pour rappel, okay, c'est le livre dans lequel Moïse a écrit ce qu'on vient de lire dans les chapitres passés. Donc, les directives qui ont été données par Dieu. Donc, on parle des 10 commandements, les lois, toute une série de lois qu'on a lues. Donc, c'est ça qui est dans le livre de l'Alliance. Et là, j'attire votre attention sur le fait que Moïse le lit à tout le peuple. Et le peuple dit, « OK, qu'ils vont obéir. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. En jaune, le sang de l'Alliance, qui était le punch que j'ai déjà vendu, mais bon, on va en reparler. Mais ici, peut-être un petit rappel, hein, le sang ici est un symbole, c'est un symbole de sanctification, si on veut, là, de purification, de protection. Tu sais, ça rappelle dans Exode 12, quand c'est l'institution de la Pâque juive, donc en Égypte, pour protéger les premiers-nés dans les maisons, ils mettent du sang sur la porte. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, mais donc ici, il y a comme une notion de protection. Mais aussi, comme Moïse le dit, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous, selon toutes ses paroles. Donc, il y a une alliance, il y a comme ça scelle quelque chose. OK? Et en vert, donc, où j'étais rendu à lire, donc là, Moïse monte un premier palier dans la montagne. Donc, je vais poursuivre la lecture. Donc, verset 9, on continue. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël. Donc, ils sont un groupe, et là, ils montent un premier palier. Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds, et c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu, et ils mangèrent et burent. L'Éternel dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi, et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. » Moïse se leva avec Josué, qui le servait, et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, « Attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un a un différend, c'est à eux qu'il s'adressera. » Moïse monta sur la montagne, et la nuit couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï, et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Le septième jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée, et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Quelques repères ici importants. Donc là, en vert, Moïse monte un deuxième palier. Donc le groupe qui a monté un premier palier reste là. Bon là, Josué sert Moïse. Ce n'est pas spécifiquement mentionné est-ce qu'il suit Moïse ou pas. Donc j'irai pas là. On ne le sait pas vraiment. Mais Moïse, en tout cas lui, assurément, monte un deuxième palier jusqu'au milieu de la nuée. OK? Et là, on voit Dieu... De loin, hein, le groupe voit Dieu de loin, et puis là, Moïse continue à monter. Point ici, c'est que Dieu de loin n'étend pas sa main. Donc, fait intéressant. Donc, Dieu qui est comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne, on voit en bas, il n'étend pas sa main. On va y revenir. Autre point, en bleu, donc les tables de pierre, la loi et les ordonnances. Donc ici, Dieu lui-même rédige. Donc il a dicté ses lois à Moïse, qui l'a noté dans le livre. Mais là, lui-même rédige les lois et ordonnances sur des tables de pierre et va les remettre à Moïse. En jaune ici, des petits clins d'œil, je trouve. Pendant 6 jours... Donc, la gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï et la nuée le a couvri pendant 6 jours. Le septième jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. Bien, ça fait penser à la création qui a été faite en 7 jours. Donc, le septième jour, Dieu se reposa. Tout était accompli. Mais ici, il y a un clin d'œil, je trouve, fort intéressant. Puis, 40 jours et 40 nuits de Moïse. Donc, Moïse demeure sur la montagne 40 jours et 40 nuits, au même titre où Jésus va rester au désert 40 jours et 40 nuits. Bon, là, ces clins d'œil-là, il y en aurait plein. C'est là que je n'irai pas. On va se concentrer. Mais je voulais quand même le souligner. Je trouvais que c'est important. Donc, les trois explications dont on parlait tout à l'heure, hein, les trois notions qui sont ici vraiment expliquées et qui vont faire le pont avec l'accomplissement que Jésus réalise, bien, en fait, c'est la gloire de Dieu. Première explication, Ici, on parle de la puissance. Puis on en a parlé déjà, là, tu sais. Mais ici, c'est la puissance, là, c'est, ça dépasse les limites humaines. Combien de représentations on a dans la parole de Dieu qui parle de Dieu dont la puissance nous dépasse complètement. Puis qui est donc, à quelque part, un peu inaccessible à l'homme. On va en parler. Le livre de l'Alliance, qui est spécifiquement mentionné dans le texte, qui est la loi, donc les directives, à quelque part, pour la réconciliation, les directives que Dieu donne à son peuple pour être en bon terme, hein, pour être obéissant à sa volonté. Mais qui en même temps, comme on l'a établi dans les chapitres passés, puis on va en reparler, qui en même temps démontre l'impossibilité de l'homme à respecter, c'est son engagement à respecter les directives. Là, le peuple d'Israël dit « je vais obéir ». Ils disent tous « nous allons obéir ». Mais est-ce qu'ils vont le faire? On connaît la suite, là. Est-ce qu'ils vont le faire? Ils ne vont pas obéir. Donc, ça démontre cette impossibilité-là, à quelque part, qui fait réfléchir, mais qui met surtout en lumière le péché. C'est qu'entre ce que je veux faire et ce que je suis capable de faire, il y a un écart. Puis finalement, bien, la troisième explication ici, qui est un fondement assez important, là, hein, on s'entend, c'est le sang de l'Alliance, qui est spécifiquement noté ici au verset 8 et qui fait le pont direct avec ce que je vous ai lu en introduction. Ici, c'est le rachat des transgressions. C'est une alliance, un cadeau gratuitement offert par Dieu aux hommes. On va commencer par le début. Je sais, là, tantôt j'ai dit on peut manger le dessert, mais là non. On va y aller en ordre séquentiel. Donc l'explication numéro 1, la gloire de Dieu. Ici, je veux mettre l'emphase sur, je vous l'ai montré en vert, mais remettre l'emphase sur les versets particulièrement 10 et 17. Donc ici, le groupe qui a monté un premier palier, au verset 10, « Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. » Ça, je ne sais pas si vous, ça vous fait penser à ça, mais ça fait penser aux représentations qu'on a de Dieu qui sont écrites dans l'Apocalypse. Dieu, mais aussi les représentations de Jésus dans l'Apocalypse, hein, qui sont des représentations qui sont grandioses, en fait. Et puis le verset 17, « L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. » Puis là, pause. Un feu dévorant. Il y a eu des feux de forêt au Québec cet été. Je ne sais pas si vous étiez dans le coin. Mais un feu dévorant. Juste comme vous donner, tu sais, quand on fait un feu de camp, là, si on se rapproche trop, c'est vraiment, vraiment chaud. Là. C'est comme ça nous repousse. Mais un feu dévorant, là, ça brûle tout. Là. Juste la chaleur fait étouffer. La chaleur brûle l'air. OK? Et là, Dieu est un feu dévorant. Puis Moïse marche tranquillement dans la nuée vers le Dieu qui est ce feu dévorant. C'est quand même grandiose quand on y pense. Là. Si je mets un feu dévorant dans la pièce qui est là puis moi je dis bon, parfait, on va y aller. C'est juste impressionnant quand on y pense. Allez-vous y aller dans la pièce? Moi, je sais pas, là. Pas sûr. Donc, cette gloire, cette puissante gloire de Dieu, on la voit dans nombre de versets, de passages, de miracles, à travers toutes sortes d'accomplissements que Dieu fait tout au long de la parole. Mais peut-être regarder quelques aspects de ça en particulier. Je me suis attardé à Exode 33. Puis là, je sais qu'on va en parler bientôt parce qu'on va continuer tranquillement notre progression dans Exode, mais peut-être un point ici vraiment important, c'est que dans Exode 33, 18 à 23, Moïse, qui est de nouveau en présence de Dieu, là, dit « Fais-moi voir ta gloire ». Donc Moïse demande à Dieu « Fais-moi voir ta gloire ». Et l'Éternel répondit, verset 19, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, il va comme le cacher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra être vue. Donc ça, c'est un passage qui s'en vient, mais déjà, si on le transpose, il y a comme un lien fort à faire sur la gloire de Dieu. Dieu est tellement glorieux, puis là, ben, pour rappel, il a créé le monde. Juste, hein, petit rappel. On ne peut même pas voir sa face et vivre. Donc, si on reprend les versets 10 et là 11 du passage de Exode 24, quand Dieu n'étend pas sa main sur le groupe, là, les fameux 70 du peuple d'Israël, mais en fait, ils les éliminerait d'un coup. Là. C'est trop puissant. Donc, à quelque part, ça crée une sorte de, je ne vais pas dire de distance, parce que ça viendrait comme gâcher la suite de ce qu'on va discuter, mais il y a quelque chose d'inaccessible là-dedans. Il y a quelque chose de tellement puissant que je ne peux pas. Mais oui, je peux. Parce que Jésus, Dieu, fait homme, est pleinement accessible. C'est un homme. Donc Dieu s'est fait chair, s'est fait homme pour venir nous rejoindre, pour se rendre accessible à quelque part. Donc ici, je prends le passage de Luc 9, j'aurais pu en prendre d'autres, il y en a plusieurs très intéressants, mais Luc 9, 27 à 36, « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. » Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. C'est la fameuse transfiguration qu'on connaît, une référence qu'on connaît. Mais ici, si on crée le pont avec Exode 24, oh, OK, intéressant. Jésus est pleinement Dieu. Ici, on voit d'une éclatante blancheur. Et pourtant, il mange et il vit au quotidien avec ses disciples. Donc, je continue un peu quelques versets plus loin. Donc, j'étais rendu au verset 30. Et voici deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie, qui apparaissaient dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Donc, ils parlent de la suite des événements ensemble. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Donc, encore le mot « gloire ». Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici, dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Il ne savait ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir. Et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. » Donc on voit encore donc, les ponts tellement forts entre Jésus qui accomplit tout ce que Dieu a prévu dans son plan bienveillant. Et ici, Dieu lui-même déclare que Jésus, qui est lui, mais est son fils bien-élu. Bien-aimé, son fils élu bien-aimé, pardon. Donc, Dieu, à quelque part, se rend accessible par Jésus. Mais si on pense à la Genèse, Adam et Ève étaient avec Dieu. Ils avaient accès. Donc, il y a comme quelque chose à réfléchir là-dessus. Là. Comment ça se fait que c'est si inaccessible, si difficile, sans Jésus, évidemment? Mais au début, c'est Dieu était accessible. Adam et Ève étaient dans sa présence. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est là où la deuxième explication est importante. Parce que le livre de l'Alliance joue un rôle là-dedans, un rôle pour comprendre à quelque part qu'est-ce qui s'est passé. Mais si on retourne aussi à Genèse, comprendre qu'est-ce qui s'est passé, Genèse 3, je vous le dis, c'est encore un passage bien connu. Je l'avais dit d'entrée de jeu, là. On est dans les éléments fondamentaux. Donc, Genèse 3, 2, la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Donc ça ici, c'est intéressant parce que si on s'attarde encore une fois là, à cette notion-là de désobéissance à Dieu, Dieu a dit, tu prendras pas de ce fruit-là, de cet arbre-là. C'est au début la seule loi. C'est le seul commandement. Okay? Mais là, Adam et Ève, en prenant du fruit, en écoutant dans le fond les recommandations du serpent, se détournent de Dieu. C'est comme, ah, moi je, non, non, non, merci. Puis en fait, suivent les conseils du serpent qui dit, vous allez être comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Donc, à quelque part, c'est, on va le dire, plein d'un certain orgueil, hein, c'est de dire, ben moi, je prends le contrôle. C'est moi le boss. Moi, je vais connaître les affaires, puis je vais être comme des dieux. Donc, à quelque part, en faisant en prenant, tu sais, avec cet événement-là, c'est Adam et Ève décident de ne pas croire Dieu. Est-ce qu'ils décident, là, on pourrait dire que, à quelque part, Dieu dirige, OK? Mais le point, c'est que ils ne croient pas Dieu, mais ils croient le serpent. Ils prennent le parti du serpent là-dedans. Parce que c'est exactement ça que Satan fait en se rebellant contre Dieu. Moi, je suis meilleur. Mais quand on y pense vraiment, là, c'est toute une question de connaissance et de contrôle ici. Je prends le contrôle, je connais plus que toi, Dieu. Mais qui ici, là, peut prétendre avoir le contrôle total sur sa vie? Vous ne faites jamais frapper de côté là, par aucun événement, vous connaissez tout, vous êtes capable de faire comme un échec, une stratégie dans votre vie, puis exactement tout ce que vous voulez arrive. Il n'y a aucun malheur, aucune tristesse qui vous arrive. Tu sais, qui a le plein contrôle? Quand on y pense, là, qui a le plein contrôle? Sans Dieu. Qui lui a le plein contrôle. On ne peut pas. Cette image-là ou cette prétention-là est fausse. Et puis, dans Romains 7, puis là, je refais le pont, je pense que c'est Philippe qui avait utilisé Romains 7, c'est Paul qui en parle. Je vais prendre le verset 7. Donc, mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit, tu ne convoiteras pas. Donc, quand le péché entre dans le monde par le péché de Adam et Ève, c'est qu'en fait, il y a une pensée, l'homme a la pensée qu'il a le contrôle, a la pensée qu'il est en contrôle, a la pensée qu'il n'a pas besoin de Dieu. Mais si la loi dit que la convoitise désobéit à Dieu, puis que je convoite, donc je sais qu'il y a un enjeu. Autrement dit, c'est que ça met en lumière, comme on l'a établi, le péché. Ici, le peuple d'Israël dit, oui, je vais suivre tout ce qui est là-dedans, mais on le sait qu'ils ne le feront pas. Le fait qu'ils ne le fassent pas met en lumière qu'ils ne sont pas capables. Ben, c'est ça le péché. L'image qui me vient en tête, là, c'est comme un enfant. Okay? Un enfant qui désobéit aux règles de la maison au point où, non, là, ça ne marche pas. Out. Out the door. Donc, l'enfant est jeté en dehors de la maison. Mais là, il revient. Puis il dit, bon, ben, papa, là, tu sais, ding-dong, papa, regarde, là. Finalement, c'était une belle vie là, de vivre à la maison avec vous. Fait que je vais suivre les règles. Okay? Le papa, il dit, ben, OK, pas de problème, voici les règles à respecter. Puis là, l'enfant, il dit, je vais obéir. Mais s'il n'obéit pas, qu'est-ce qu'on fait? Oh, j'ai entendu quelque chose par là-bas. Un fait vécu, non? Mais en fait, c'est à ça que j'ai comme envie de m'attarder, là, cette notion-là ici sur l'explication numéro 2. Puis pour ça, je vous propose de regarder Deutéronome 29, donc Deutéronome qui arrive après l'Exode, donc plus tard dans le temps. 29, verset 18. Donc, ça dit comme suit, « Qu'il n'y ait parmi vous ni homme, ni femme, ni famille, ni tribu, donc on est encore parmi le peuple d'Israël, dont le cœur se détourne aujourd'hui de l'Éternel notre Dieu pour aller servir les dieux de ces nations-là. » Donc, ils sont plus tard, et là, ils sont confrontés à d'autres nations qui ont d'autres dieux. « Qu'il n'y ait point parmi vous de racines qui produisent du poison et de l'absinthe, que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance, le livre de l'Alliance, contracté avec serment, qu'ils ont promis, ne se glorifie dans son cœur et ne dise, « J'aurai la paix, quand même je suivrai les penchants de mon cœur et que j'ajouterai l'ivresse à la soif. » Donc, même si je ne suis pas vraiment mon serment, ben, tu ne peux pas être en paix dans ton cœur parce que tu as fait ton serment. « L'Éternel ne voudra point lui pardonner, mais alors la colère et la jalousie de l'Éternel s'enflammeront contre cet homme. Toutes les malédictions écrites dans ce livre reposeront sur lui et l'Éternel effacera son nom de dessous les cieux. » L'Éternel le séparera pour son malheur de toutes les tribus d'Israël, selon toutes les malédictions de l'Alliance écrite dans ce livre de la loi. Donc ici, il y a une mise en garde. Et en même temps, cette mise en garde-là qu'on sait qu'il va se concrétiser, parce qu'on sait qu'Israël va se retrouver dans cette situation. T'sais, est-ce qu'ils vont suivre leur serment? Non. Non, on le sait. Ils vont faire complètement autre chose. Ils vont faire, tu sais, à la première occasion, là, je comprends que Moïse reste 40 jours et 40 nuits sur la montagne, mais dès qu'il redescend, on va le voir. Ils font autre chose à plusieurs reprises. Donc en fait, ici, ce que ça met en lumière, le livre de l'Alliance, qui joue un rôle ici vraiment fondamental, les tables de pierre et la loi qui vont représenter ça aussi, bien, c'est tout simplement que, puis là, j'ai oublié d'avancer, je m'en excuse, c'est tout simplement que, ici, puis je vais vous lire juste un peu plus loin dans Romains, on était dans Romains 7:7 tout à l'heure, là, je vais aller à Romains 7:15. C'est Paul toujours qui explique ce phénomène-là. « Car je ne sais pas ce que je fais, donc Romains 7:15, je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et bonne pourquoi? Parce qu'il s'en rend compte. » Ça met en lumière le péché dans sa vie, il s'en rend compte. Et donc, qu'est-ce que j'ai de besoin? Qu'est-ce que j'ai de besoin quand je m'en rends compte? Matthieu 5, 17, Jésus dit, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour l'abolir, mais pour accomplir. » Donc, Jésus est venu accomplir la loi, nous montrer le chemin. Donc, si je reviens ici, nous montrer le chemin par l'exemple, nous le démontrer par l'exemple. OK? Lui qui a le plein contrôle pour vrai, on le voit là, sur les éléments quand il calme la tempête, sur les circonstances, sur tout. Jésus, à plusieurs reprises, sait ce que les gens pensent dans leur tête, puis il leur dit, bon, ben, on va en parler. Donc, Jésus vient accomplir la loi. Jésus, la pleine gloire de Dieu, donc on fait le pont sur l'explication numéro 1, vient accomplir la loi. Et le sang de l'Alliance. Donc, Moïse, quand il prend le sang, donc il fait des sacrifices, des holocaustes qu'on appelle, donc, et puis il va mettre du sang sur la moitié du sang, il le met sur l'autel, l'autel qu'il a créé avec les 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël, et puis le reste du sang va l'asperger, va le mettre sur le peuple. comme on va le voir plus tard aussi dans la tente d'assignation, donc tout ça, ici, ben, c'est comme je vous ai lu en introduction dans Matthieu 26, hein, le sang de Jésus qui est le sang de l'Alliance répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Donc, Jésus répand son sang et va ben, dans le ciel, l'autel, là, c'est le ciel, cette fois-là, OK, pour constituer l'Alliance éternelle avec Dieu. Donc, on passe d'une situation temporaire dans Exode 24 qui vise le peuple d'Israël, les enfants de Dieu, mais qui s'applique de façon temporaire, il faut qu'ils fassent des sacrifices continuellement, à une situation permanente pour toujours. Hein, Jésus dit « pour plusieurs, pour la rémission des péchés », puis après il dit « je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à la fin ». Donc, une situation permanente. Donc, pour l'illustrer, en fait, c'est que dans Exode 24, le peuple va à la rencontre de Dieu. Il est engagé là-dedans. Dieu se rend accessible, puis le peuple va à la rencontre de Dieu par palier. Mais ça, c'est temporaire. Pour aller vraiment régler le problème. Si je reprends mon exemple tout à l'heure du jeune qui sonne à la porte, bien en fait, Dieu, il va aller avec le jeune, l'autre bord de la porte. Donc, Dieu qui prend, qui s'incarne, qui prend chair en la personne de Jésus, son fils bien-aimé, se rend accessible à tous pour toujours, à tout le monde. Sans intermédiaire, Jésus est Dieu et le médiateur avec le Père. Donc, quand on parle de Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Donc, quand on parle de ça, cet amour-là, qui est un amour de pardon complet, de sacrifice complet, pour toujours, et vraiment, c'est vraiment là qu'on peut comprendre, qu'on peut commencer à interpréter, en fait, commencer à comprendre qu'est-ce que l'amour de Dieu veut vraiment dire. Et donc, pour revenir à en faire l'expérience concrète, ben, la première étape, c'est de le considérer. La première étape, c'est de faire le pas en avant pour prendre la main qui nous est tendue. Et puis, c'était pas planifié, je vous le promets, parce qu'en fait, Julien, c'est quoi, c'est jeudi soir, ça s'est fait pas mal la dernière minute. Mais on a un baptême ce matin. Merci Seigneur. Et puis, ben, c'est exactement ça. Jésus nous tend la main à chacun. Il s'agit de la saisir. Qu'est-ce que vous attendez? Bonne reste de matinée.